Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas entendu les meilleurs moments d'assemblage requis, donc on va retourner en arrière. J'ai comme peur. Ah oui, ça va être beaucoup en même temps. C'est un bon 10 minutes de 3 semaines. 3 semaines résumées en 10 minutes, ça fait la job quand même. C'est combien d'heures? Ça fait 8? 16? 16 plus 8, ça fait combien? Ça fait genre 24. 24! 24. Heures en 10 minutes. Oh là là. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 28 septembre, du 5 et du 12 octobre 2015. Tu l'as pas eu du tout, Tania. Non, hein? Tu as essayé de lancer une boule de papier dans la corbeille, mais non, ça ne fonctionne pas. Pas le lundi matin, une autre semaine qui commence et qui va être pareil comme ça le d'avant. C'est correct qu'on aime ça. T'aimes les lundis? Ben, pas tant, mais... C'est ça. J'aime revenir à la radio, donc pour ah, ça, oui. Ça laisse ses avantages. Une chance qu'on a ça, parce que le reste, hein, on va se le dire... Ça vole pas bébé haut. Ouais, hein? C'est ça. À ta gauche, ma droite, la diagonale, les auditeurs sur la caméra 3. C'est, il est rendu de la table. Il est rendu au-dessus de la table. Ben, faut tout le temps le suivre. Il y a un GPS dessus parce que sinon, tu le perds. C'est comme un petit chien. S'il dépasse une certaine ligne, il va se le faire dire avec un choc dans le cou. Ouais, c'est ça. C'est David Ferron. Pour commencer ma chronique météo, en fait, c'est issu d'une mauvaise expérience. Okay. Donc, un jour, je me lève, oui, un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormi quand ce nain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes. Comme tombé du ciel, l'oiseau vint s'opposer, il avait les yeux couleur rubis. Un beau jour était une nuit près d'un lac, je m'étais endormi quand ce nain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Hey, et oui, on slame ça du Marie-Carmen. Mais c'était vraiment comme du rap, ce que t'as fait là. C'était du beatbox presque, c'était du... Ouais, c'était du Marie-Carmen, non? Oui. OK. Ouais. Surgit un aigle noir. Là. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la main. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. Oh, voilà. 29 septembre 2015, 210 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Et je me fais Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin, t'as calculé tout ça? Ça va, ouais, c'est ça. Pour vrai? C'était mon plan depuis le début de faire. Wow! Bien, pas pire. 210 jours. Voilà, on le sait, là. Demain matin? Ouais, c'est ce qu'ils disent. À la même heure? Probablement sur le même poste si votre radio est bien ajustée, parce que des fois, les gens sont sur 89 ça fait puis ça griffe. Puis après, ça c'est le magazine feuilleté avec oui. Le doigt mouillé. Sensuellement. Oh mon Dieu, c'est parce que vous voyez pas Mathieu Plante en ce moment. Ça vaut de l'or. OK, oui. Le niqab qui était le sujet principal de ta chronique nous a mené tellement vers d'autres choses que, comme dirait Kogeko, c'était le pouvoir infini du niqab. Oh! Hein? Ça se rend en cour d'appel, qui est la deuxième plus haute. Puis si, toujours là, la cour d'appel, le jugement fait pas l'affaire des gens, ben, on se rend en cour suprême. Puis là, c'est celle qui a de la crème fouettée dessus, ça. Ouais, la suprême, elle a une cerise aussi. Une cerise, hein? Symboliquement, oui. D'accord. Les valeurs canadiennes, c'est la tolérance, l'égalité des... l'égalité pour tout le monde. Tim Hortons. Un petit délai. Ah, puis en passant, il y en a un à Abu Dhabi, fait que... Oh! Un petit Abu Dhabi... D'ailleurs, non. Soit dit en passant... C'est ça, c'est une bonne joke de Nicab, par contre, un abus d'habits, c'est beaucoup. On rappelle ouverture d'esprit. C'est une joke! Si ça rase une face, ça peut raser une fesse, hein? Comme dit le slogan, le proverbe dans mes pages vertes, là. Si tu peux sloguer une fesse, si tu peux sloguer une face, tu peux sloguer une fesse. Pow! Pow! Et voilà, Mathieu vient de le dire, alors prenez note. Tu pourrais mettre ton maquillage, tu pourrais mettre à peu près n'importe quoi. C'est pas assez gros pour mon maquillage. Ah, bon, d'accord. Ton remover rentre pas dans chacune des slots. Quand t'es rendu à te mettre du maquillage dans le slot, là, c'est que... donc, le design est complètement portable et arrive avec plusieurs tablettes ajustables. Pour 136,48 $. That's a lot of money! That's a lot of money! Et slot, là. C'est un pilote de course, mais c'est aussi un chroniqueur pour autonet.ca. Simon Dion vient. C'est fun parce que chacun de ses noms, c'est comme... Pareil. Tout des bruits de char. Tout des bruits de char. Avoue que c'est fait pour, là. C'est sûr, c'est fait pour. J'avais jamais pensé à ça. Maintenant, tu ne pourras pas y dépenser. Ouais. Un testeur d'antigel normal avec une petite... qui fait des marques, en fait, sur le testeur. Faut pas confondre le testeur d'antigel à bandelettes au testeur de seringue avec une bande de lettres. Ça, c'est complètement un autre sujet. Complètement un autre sujet, puis t'as raison. On ne sait pas ce qu'ils font avec Sœur Angèle. Il faut être capable de respirer de façon alternative. Exactement. On est tellement indie, assez fou, de toute façon. C'est de la respiration alternative. On fait juste ça, de l'alternative, assez fou. Ouais. T'sais. Bon. On est full indie. On peut dire. On est hipster de la narine. Prenez-en bien, T'sais, allons-y de façon... Prenez-en bien, prenez-en mal. L'important, c'est que tout le monde en prenne. Comme on dit, la célèbre phrase dit tout le temps ça. C'est comme le talk show là, avec Guy Lepage, tout le monde en prend. Toujours un train, avec José Lito comme co-animateur. Je me suis comme trompée dans mes expressions. Tu penses? Pourquoi est-ce que t'as une poche sur ton chandail? C'est pas vraiment une poche. Hein. C'est vraiment une poche? Oui, c'est une poche. Je peux mettre ma main. Est-ce que tu t'en sers? Pas vraiment, pas où elle est placée. C'est une drôle de place, mettre une poche sur un sein. Quoique, quand j'y pense... Tu viens de dire que le badminton est un sport sous-estimé. Ouais, ouais. Tu peux courir en tabarouette après le moineau. Là. Ouais. Mais tu sais... Ce que tu fais régulièrement, courir après le moineau, c'est ça, Tania? Hey, as-tu dit ça? Hey, Mathieu, on est mardi matin, là. On est juste mardi matin. On est une émission alternative, là. Ils viennent de dire ça en ondes, à la grave, radio. Pareil, hein? Ça a perdu le papette. Bonne journée, tout le monde! Bonne journée, si vous insistez. Puis, va chasser le moineau. Ah oui, va chercher! Bonne Tania! Je ne passerai aucun commentaire désobligeant à ton égard. Woody Allen qui fait beaucoup de films, puis oui, effectivement, qui se fait vieux, alors qui a beaucoup de trucs autour de Woody Allen. Il se fait vieux et il se fait des jeunes. Ah, je oui. 10 à 20? Ah, c'est à peu près les âges que Woody Allen choisit. Là, tu sais. Oui, oui, exactement. Wow. C'est son range sur Tinder, je pense. Ok, ouais. Se faire enlever la paix 10, c'est un peu. C'est rendu une chirurgie d'un jour, là? Je sais pas. Je suis pas médecin, je dis pas médecine. Non, en tout cas, sur ce. Sur ce, Woody Allen dirait chirurgie mineure, je suis I'm in. Oui, c'est ça. Si, moi. Plus jamais je parle de Woody Allen. C'est comme ça que je maigris, en fait. C'est juste pour ça que je fais de l'impro. C'est pour ça que t'as une taille de gap. Oui, exactement. Ouais, bah. C'est parce qu'il passait des années sans déjeuner, en fait. Ah, ben c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai une taille de crêpe. Je suis pas certaine que ça fonctionne très bien, par contre. Bon, madame qui dit tout le temps. Pardon. Je pensais vraiment jusqu'à la fin de la phrase. Achou! À tes souhaits. Je pensais vraiment m'y rendre pour pouvoir faire l'éternuement après. Mais non, hein. Mais non, c'est comme bang! C'est ça. C'est comme dans Batman encore. C'est les joies du direct. Mes enseignantes au primaire qui avaient bien de l'air de des sorcières. Tu les appelais witch juste pour pas dire bitch, hein, c'est ça? Non. Ah oui. Mais, ah, oui. Non, mais ça, on l'a fait. J'allais à une école anglaise, fait qu'on disait, oh, she's such a witch. Ça devait pas être solide, une école anglaise. Maman. L'école anglaise, ça a pas eu. Wow. Clergé bostonien mené par le révérend Increase Matter. Ah! Un méchant nom de mongol. On dirait un nom de spam, genre Increase Your Matter. The Reverend Increases His Matter. Le parasite, oui, va se loger dans les ovaires des graminées. Oui, nos graminées ont des ovaires, oui. Ah. Je crois que j'ai vu un graminé. Graminé. Oh mon Dieu, c'était Tweety Bird qui... Oui. Je crois que c'est un gros millet, un graminé. Tu sais, moi, les jeux de mots, c'est toi qui les fais. Je suis en train de lui enseigner hier au Palmarès. C'est fou, je lui enseignais comment. Avant-hier. Avant-hier. Peu importe, le temps est un flou, mais j'essaie de lui montrer comment faire des jeux de mots. Elle va apprendre un jour. Un jour. Ça s'apprend? Ouais, je pense que oui. The Mathieu Plant School of Humor. Oh, wow. Ça serait ben trop hot. Combien paieriez-vous pour ça? Pas cher. Ah, parce qu'il faut payer. Ben là, c'était une école. C'est comme mode payer un café gratis. Hey, c'est pas subventionné, il y a des coupeurs partout, là. Wow, là. Pour en avoir les deux saveurs, là, c'est des Doritos Collision, on va quand même pas... Mais en ce moment, le ratio est pas bon. Voyons, Tania, le ratio est pas bon. Je te dis, arrête, Tania. Attends, ouais. Shake le... Sors les oranges. Voyons, les guacamoles. Hey, j'ai shake le tout. C'est du favoritisme. C'est de l'ostracisation de d'orange. Oh, la Doritostracisation. Depuis 7h30, tout va bien. Tout va bien. On va espérer que ça continue comme ça. On a justement notre chance avec nous. C'est comme, elle a deux pattes de lapin. Hein? Une après chaque pied. Tellement chanceuse, cette fille-là. C'est Marie-Laurence au nez, je sais pas. Tu ouvres ton sac à surprise, tu tombes sur l'hostie. On s'entend que c'est plate en maudit. Mais non, moi, je trouvais ça très bon quand j'étais jeune. Wesh. Je servais la messe juste pour manger ça. C'est pâteux. C'est vrai, le pays. T'aimes ça pâteux, toi? Aucun commentaire. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Apparemment, avoir des rapports sexuels le matin serait beaucoup plus efficace pour se réveiller que le café. Ça tombe bien, on est quatre en studio. Non. Je sais pas, j'ai pas de café, moi, à date encore. Moi, je dis non. C'est tout pour cette édition d'assemblage recul. C'est déjà tout. D'assemblage recul. J'ai vraiment dit assemblage recul, je sais pas si t'as remarqué. Moi, je pense que je l'ai remarqué. Ouais. Ouais. Tinder. Ouais. Ah. Là, ça détruit les vies, ça. Ça détruit des vies, mais mon Dieu, ça renchérit des poches ailleurs, hein. Alors, Ouais, ça parle pour toi, hein, ça. Non, mais là, c'est pas ça que je voulais dire. Je parlais de poche d'argent. OK, OK. C'est okay. Une blague de sel. C'est fait, hein, garde, hein, ma pertinence. De l'Himalaya? Du sel? Du sel, hein, excuse-moi, j'ai entendu des sels. Ah! Pour les macarons? Alors, les différentes sortes de macarons. Les macarons? Les macarons? Collectionner des macarons? Mais je suis pas si fan que ça de... Non, le pâtisserie. OK. Mais je peux-tu me l'attacher un palais à la poitrine? Oui, oui, okay. Oui, oui. Mais dans une couple de jours, ça va sentir bizarre. Ça ferait de quoi manger. Il fallait être attentif pour comprendre chacun des délicieux gags. Oui. Dans ce montage, le contexte est tout le temps au début du clip. C'est vrai. Et si tu portes pas attention au contexte, la blague n'a pas aucun sens. C'est sûr que si tu oublies vraiment l'idée directrice, tu ouais. Comprends pas le gag. Il faut absolument suivre. Donc c'est un instant classique. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 28 septembre, la semaine du 5 octobre et la semaine du 12 octobre, dans l'ordre des jours, évidemment, mm-hmm. Et des nuits. Et des nuits. Voilà. 3 semaines, 24 heures, on l'a dit, en même pas 10 minutes. C'est un gros travail de montage. Merci à notre réalisateur sonore, Mathieu Plante. Mm-hmm. Il s'appelle Mathieu Plante. Oui, c'est lui qui fait tout le montage de tout ça. Voilà. Vous pouvez écouter Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, ici même sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et évidemment, télécharger les balado-diffusions des émissions et des montages sur assemblagerequis.com. Et ça, c'est avec Tania et moi-même. Tous les matins. Tous les matins. Presque. Presque. Ah, il y a aussi les meilleurs moments les vendredis à 7h et les samedis à midi. Donc tous les matins. C'est pas mal tous les matins. Il reste le dimanche. Ouais, c'est vrai. Mais là, il y a les palmarès, c'est fou le dimanche. Voilà. Fait qu'on est là pendant 7 jours semaine, toi et moi.